Coup de théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. C'est la rentrée de Coup de théâtre. Je suis ravie de présenter cette émission avec Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut Julia, ça va? T'as passé de bonnes vacances? Incroyable. C'est génial. Et tous les mois dans Coup de théâtre, nous accueillons un comédien ou une comédienne de la scène nancéienne, voire internationale, c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous accueillons François. Bonjour. Salut François. Écoutez, je suis content d'être invité dans mes locaux. Et oui, tu as pas ton temps de travail. Tu as pas eu beaucoup de trajets à faire. Non, une petite dizaine de centimètres. Empreinte carbone zéro. Parfait. Incroyable. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les peu de personnes qui ne te connaîtraient pas? C'est-à-dire mes professions, tout ça? Ouais, enfin en gros, qui es-tu? Qui je suis, je m'appelle François, j'ai un nom de famille qui est Barthélémy, j'ai quelques années à mon actif en termes de vie, et puis je suis dans le métier qui est un peu aussi le vôtre, un peu le métier du spectacle, de l'animation radio pour le coup aussi, et un peu les métiers aussi de la formation, mais le tout avec souvent une touche d'humour. Ah oui, on va rire donc. Tu pourras développer une pointe d'humour. Tu pourras développer tout ça un peu plus tard. Je débloquerai peut-être des choses chez vous et je développerai ça aussi. Évidemment, je suis content. On a hâte. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Petite interview en mode portrait chinois, François. Si tu étais une qualité que tu n'as pas. Ah. Alors là, c'est vrai qu'effectivement, là, il faut réfléchir. Une qualité que je n'ai pas. Tu en as tellement, c'est pour ça? Ben non, mais je serais. Je sais pas, moi, la rigueur. Bon, j'espère être un peu rigoureux, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est vraiment une question à laquelle Julien ne m'a pas préparé du tout. j'ai pas tout envoyé. Il y a des pièges, oui. Un piège. C'est pas grave, enchaînons. Si tu étais une boisson. Oui. Laquelle je serais? Ouais, chaude ou serais... froide? C'est comme tu veux. Je serais du pulque au citron. Du pulque au citron. Oui, avec une pointe de gingembre. Ah, ouais. Pour? Et bah parce qu'en fait, c'est une boisson un peu énergisante. Et le gingembre aussi, ça te remet en forme. D'accord. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais bon, là, j'avance. Oui, bah évidemment. Là, j'avance. On a quelques petites, petites pannes. Bon, un petit coup de gingembre, ça redémarre. C'est reparti. Si tu étais un moment de la journée ou de la vie. Un moment de la journée de la vie, finalement le matin, ça représente un peu la radio, même si au final j'aime pas vraiment le matin me lever très tôt, mais je le suis obligé de toute façon par définition en faisant la matinale ici, donc j'aime bien le matin parce qu'on a l'impression d'être calme et puis plus productif. Si tu étais une insulte ou un gros mot? Je serais je réfléchis, vous m'excuserez, mais l'insulte que je... Elle est un peu trop vulgaire. Donc tu masques un peu, tu mets un bip. Mais... Zip. Okay. Ah, c'est pas mal, ouais. Pas mal. Si tu étais un défaut que tu as. Un défaut que j'ai, alors là, pour le coup, j'en ai plein. L'obsession. Obsessionnelle. D'accord. Dangereux. Ça fait peur. Criminel. Hein. Ouais, ça fait peur. Si tu étais. Alors, c'est rigolo parce qu'en antenne, on a un peu parlé de ça. Je ne sais pas si tu vas citer ça, mais si tu étais un ou une professeur qui t'a marqué. Alors, oui, j'ai. Alors, c'est souvent des professeurs d'histoire, pour le coup, parce que tu as toujours l'impression, je ne sais pas, de les sortir un peu de vieux placards. Je vais pas citer celle que j'ai citée hors antenne parce qu'il y avait une dame d'un certain âge. Mais là, c'est un monsieur qui était mon professeur d'histoire au collège. Et alors, on disait souvent qu'il avait des pistes de ski. Alors, un vieux garçon, il vivait avec sa maman. Il avait des pistes de ski sur les épaules. C'est ce qu'on disait en permanence. Pourquoi? Parce qu'il avait des pellicules. Exactement. Oh. Ouais. Donc, et il t'a marqué, lui? Il m'a marqué parce qu'on avait envie de souffler. Si tu étais une catégorie d'impro. Ah, une catégorie d'impro, on va dire primaire, secondaire, même si j'aime pas forcément trop cette catégorie, mais je trouve que ce côté un peu folie, quoi. Ok. Si tu étais un endroit, un lieu. Un lieu, je serais la tamaricière. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte bizarre. Non, la tamaricière, c'est... Alors, je l'ai tatoué sur mon tibia. C'est l'endroit où j'étais il y a quoi, peu de temps, là, finalement, il y a une semaine, 15 jours. C'est un phare dans la ville, enfin, au, au bord de la ville d'Agde, dans l'Hérault, et j'y ai passé mon enfance, donc mes 44 années passées, j'y suis allé tous les ans. D'accord, tu vas tous les ans là. Tous les ans, et j'y passais 2 mois quand j'étais gamin. On m'y a amené, j'avais 2 mois, et j'y ai travaillé, j'y ai vécu, j'ai fait aussi mes premières armes dans ce métier. Ok. Si tu étais un thème d'impro. Un thème ? Oui. Un thème d'impro ? Ouais. Je sais pas, c'est un thème, c'est-à-dire l'inspiration, le titre de l'impro, quoi. Ah, le titre de l'impro. L'obsessionnel. Perdu n'est pas gagné. Si okay. Tu étais un spectacle qui t'a marqué. Mon spectacle ? Un spectacle qui t'a marqué, soit parce que c'est toi qui l'as joué, bah, évidemment. Tu étais dedans, soit parce que tu l'as vu et tu t'es dit, oui, ouais, incroyable. Le premier que j'ai fait il y a un petit donc moment. Donc un one-man show, c'est ça ? Non, ou un là, spectacle pour le d'impro. Coup, c'était un spectacle d'impro, d'accord. Mais qui glissait un peu vers le two-man show, on va dire plutôt, parce qu'on avait une musicienne, c'était avec Steve, que vous connaissez, et ça s'appelait Un monde presque ordinaire. Et là, c'était toute l'exergue, l'expulsion de mes travers. Parce que déjà là, on parlait d'obsession, on parlait de personnages un peu fous. Donc voilà, c'était de l'impro et un peu à force, c'était devenu un peu écrit. Et enfin, pour terminer, si tu étais un comédien ou une comédienne qui t'a marqué durant ton parcours. Connu au moins, ou pas connu. C'est toi qui décides. Voilà. Alors j'ai un truc, moi, c'est que je me suis jamais... pour le coup, identifié. Jamais eu de star, de vedette. Et, alors, ça pourrait être quelqu'un que tu as croisé dans ton parcours et qui t'a... C'est là que l'obsession s'arrête. Conseillé, oui, alors, fortement. C'est vrai que j'avais bien aimé à l'époque, parce que je trouvais surtout, il était hyper positif, c'était pendant la semaine de l'impro, Omar Galvan. Ah oui. Ouais. Alors, il fait de l'impro, je sais pas où il est aujourd'hui, c'était un Brésilien, je crois. Argentin, ouais. Et surtout par le côté que je n'ai pas... voilà, zen, calme. Posé, ouais, à fond. Je comprends. Merci François, on te connaît un peu mieux maintenant. De rien, bonne journée. Pour encore un petit peu mieux te connaître, on va passer à un titre que tu as choisi par toi-même, ouais. Et tu nous expliques ensuite pourquoi tu aimes ce titre. D'accord. Donc, ne ratez pas le coche, car ce défaut peut très bien aussi toucher vos proches. Funk, revoilà la paire qui se veut funk. Prenez vos marques, car le duo redébarque. théâtre sur Fadjet. Alors c'était Honesty and Jealousy de Alliance Ethnique, titre de 94 si je ne m'abuse. Récent. Et pourquoi ? Bon, on a une trentaine d'années, effectivement, mais on a aussi notre petit âge. Hein. Le titre à 30 ans, moi j'en ai un peu plus, donc ça parle de mon, ça parle de rien qui me touche en particulier. Si ce n'est que ça, aujourd'hui, ça résonne dans ma tête comme étant des musiques de mon adolescence. Et à ce à quoi je peux faire un rapprochement à ma vieillesse, c'est que ces titres-là, alors moi, on a le droit de citer les radios, on s'en fiche, maintenant passe sur Nostalgie. C'est à ça que tu vois que t'es vieux. Oui, mais c'est vrai. Ça que tu vois que t'es vieux. Quand tu vois Docteur Alban et La Rousseau, ainsi que Alliance Ethnique ou encore des Ophélie Winter. Donc c'est là que tu vois que t'es un peu vieux. Donc ça me rappelle surtout mon adolescence. Et puis je l'ai mis dans le deuxième spectacle que je devrais jouer prochainement. On va en parler bientôt. Merci pour ce souvenir. Ah ouais, Alliance Ethnique, c'est un vrai souvenir. Bah oui. Bah oui. Je suis quand même vachement plus jeune que toi. Oui, c'est ça, parce que toi, tu devais être petite. Mais j'ai un grand frère qui est né en 80. Alors après, les titres durent un peu dans le temps, donc je ne sais pas quel âge tu avais en 94, mais moi, j'avais déjà 14 ans. Et 7 ans. Donc, 94, 96, je ne sais plus. Je peux dire de bêtises sur le titre, mais bon, voilà, c'est en tout cas ces époques-là. Eh bien, merci pour ce titre. Souvenir. Oui, j'ai bien vu que t'avais sursauté. Ah bah là, c'est très effrayant vos habillages musicaux. Hein. Et pourtant, c'est très positif. Souvenir. Oui, parce que François, on aimerait que tu nous racontes ton plus beau souvenir sur scène. Eh ben le plus beau à chaque fois, bon voilà, c'est assez simple, c'est lorsque, alors là ça va être du stand-up, parce que bon, voilà, je suis un peu du stand-up, j'aime pas trop ce mot-là en fait, du one-man show on va dire, du one-man show et de l'impro, donc moi j'aime les deux, et c'est dans one-man show, c'est, il y en aurait peut-être un dans chaque. Mmh. Ouais, vas-y. Alors, le premier, ça serait peut-être en impro, la première scène en 2006-2007, où, bah ouais, moi je suis plus porté sur le rire et où on fait une scène d'impro avec la troupe de la MJC Lorraine. Voilà, on s'est produit et reproduit, pour certains, à la MJC elle-même, à Vendeuvre, et on a fait un petit spectacle. Et j'avais fait rire les gens en faisant un conducteur, enfin, anglais, en fait, et du coup, je conduis la voiture, mais du côté gauche. Sauf que bah, le public s'est dit « Oui, mais c'est une voiture anglaise, voilà qu'on a... » Donc je change de côté, puis ça fait rire les gens. Voilà, c'est le premier souvenir. C'est pas le truc le plus hilar de la Terre. C'est bien, mais surtout, c'est mal... c'est peut-être pas... Enfin, faut le voir. Bah, faut le voir, c'est de l'impro. Oui, c'est faut voir. C'est bah, que tu t'en souviennes bah, aussi bien. Bah oui, bah, c'est première ça. Scène. Bah oui, c'est ça. Il y en a un autre, c'est bien qu'il y en a un autre. mais c'est vrai que l'impro, ça se regarde. Ça s'écoute pas souvent. Et l'autre, c'est... Bah, parce que c'est des souvenirs, donc c'est pas forcément drôle. Mais là, pour le coup, c'est pas drôle non plus. C'est juste quand je suis venu jouer. Pendant longtemps, mon père ne pouvait pas dire ce que je faisais parce qu'il savait pas. Je disais, bah, il fait le guignol. Toi, il fait quoi ? Ingénieur. Moi, il fait bah, ça, quoi. Des trucs. Et donc, il parlait de la radio parce que ça parlait un peu, mais l'impro et le spectacle. Non, c'est quand j'ai eu donc ma tête, en plus, ça avait mis les gros moyens en 2018 ou 19, je crois, ma tête en gros sur des panneaux numériques à Vittel, donc de la ville d'où je viens. Et donc, avec mon affiche. Voilà. Et donc, c'était ça le bon souvenir. C'est que ton père a pu enfin dire, dire ce qui j'étais, ouais, ce ça. Que je faisais, il faisait en ça, montrant le panneau. Et là, c'est la pub de Noroto qui est passée. Et tout le monde croit que tu fais du contrôle technique. Il y a des gens qui viennent voir ton père il aujourd'hui. Il avait honte avant. Il peut prendre ma voiture pourquoi, là. Et pourquoi il parle de contrôle technique sur scène ? Voilà, c'est un mélange. Plus personne ne comprend, encore pire qu'avant. Voilà ce que là, mon souvenir. Et c'est à mon tour de te poser la question un peu à l'inverse. Est-ce qu'il y a un moment sur scène où tu t'es pas senti bien, où c'est pas forcément un bon souvenir ? Ah bah là, c'est pas si vieux que ça pour le coup. Je fais jamais de scène à l'extérieur. Moi, tu sais, je suis très terroir, territoire, etc. Et j'ai un mec de Normandie qui m'appelle sur un festival. Et j'avais un peu, malheureusement, fait un peu la fête et en même temps mangé la veille. Et je vais sur scène manger un truc qui n'est pas passé. Ah ! Tu vois que ça va, etc., que je vais être malade. Et là, c'est une des premières fois, parce qu'on sait quand le public parfois est un peu dur. En plus, c'est un public masqué. Hein. C'était encore... ouais, c'était Covid, je crois. Masqué et tout, donc les yeux comme ça. Donc, ça déstabilise un petit peu. Et je monte sur scène, j'ai 20 minutes. C'était un espèce de tremplin. On était 4, 5. J'étais le seul garçon, d'ailleurs. Et pour le coup, parce que c'était un tremplin féminin, en plus, parce que pour la petite anecdote. Et une des filles n'est pas venue, donc le mec m'a appelé. J'ai dit, bah, c'est un tremplin féminin. C'est-à-dire, j'ai quand même pas. Il y a deux, trois trucs. Encore que j'ai vu une dame à la télé audio, elle avait une moustache qui s'est plus fournie que la mienne. Mais c'est vrai que voilà. C'est vrai que voilà, il y a quand même deux, trois trucs qui peut tenter de dire que je reste un homme. Et, mais bon, j'y vais, super. Le truc en plus était super bien organisé. Sauf que bah, je suis malade, je sens que ça va pas. Je vais sur scène et là, j'ai une suée. Tu sais, quand tu parlais de monter les marches d'escalier quand il fait 35 degrés à la radio, bah, exact, mais encore pire que ça. Et là, je vois que je perds mon texte. Je vois que les gens voient que je perds mon texte. Et, là, et je fais un truc que j'ai plus jamais refait et que j'espère ne plus jamais faire. Je m'excuse, je pars. Ah ouais. T'as été parti en plein milieu, t'es parvenu. Ouais. Et là, à la fin, ils rappellent tout le monde. Et moi, je pense que je pouvais revenir. Avec un masque. Mais j'ai quand même remis la couche du j'étais malade. Mais t'as expliqué quand même au public ou t'as juste dit. Alors, c'est le MC, enfin, l'organisateur qui l'a expliqué, quoi. Donc après, ils mettent des lots et il y avait tout le monde. J'ai tenu. On devait faire 25 minutes. En plus, j'étais décousu. Oui, c'était 20-25 minutes. Oh. C'était décousu. Je démarrais. Après, j'ai eu un trou au milieu et donc je me suis embourbé, donc je passais à des morceaux de blagues, d'autres trucs, enfin ça n'avait ni queue ni tête. T'es resté combien de temps du coup sur les 25? J'ai dû rester 7, 8, 10, je sais pas. Mais 7 minutes qui paraissaient. C'est pas toi qui as gagné. Non, c'est ça, puis après remettre des lots à tout le monde. Oh non. Sauf toi. Le lot de j'ai pas fini. Jean-Michel, je finis pas mon sketch. Le mec est venu, ils savent même peut-être pas du tout qu'est-ce que je venais faire là, parce que je suis parti aussi vite, ils ont peut-être même pas compris pourquoi je partais. Il y a que des femmes, ou alors c'était un truc, ils se sont dit ouais, c'est hyper féministe, l'homme il tient pas la route par rapport aux femmes, tu vois. Ils sont pas, ils sont essayé de la part ils à ont humour. Mis quelque chose dans le fond vert. Ils sont pas compris ce que je venais faire, je pense. Puis en plus, eux ils savent pas le fil, c'est moi qui me suis dit que je suis perdu dans mon fil. Donc en fait, on est le pire ennemi nous-mêmes sur scène quand on est tout seul, c'est qu'à un moment donné, on se dit qu'on va perdre le fil de son truc, surtout quand tu sors un peu de ton texte, et au final, tu le perds et puis après tu essayes de rebondir, mais les gens comprennent pas l'ordre du truc. Enfin, c'était une catastrophe. Je suis parti, je suis plus jamais revenu. Ils se sont dit, mais c'était qui en fait? Je sais plus, tu l'as dit, mais peut-être j'ai pas été attentif. C'était il y a combien de temps ça? C'était pas si vieux. Pendant ça, le Covid encore. Ouais, pendant le Covid. 3 ans déjà. Quoi. Ouais, 3 ans. Ah oui, t'avais quand même déjà une sacrée expérience. Bah oui, pourtant. Ah oui, non, non. Bah, c'est comme qu'on n'est jamais arrivé. Hein. On n'est jamais arrivé. Ça t'a servi de leçon. Oui, j'ai dit, bon, déjà, voilà. Ou alors, ne pas monter sur scène si t'es vraiment pas bien. Est-ce que tu en parles dans ton nouveau spectacle? Ben, je pense que j'en ai jamais parlé. J'en parle là, parce que ça a été encore la phase de honte. La phase de honte. Et ça reste quand même en tête, hein, évidemment. Je pense que ça le restera tout le temps. Et peut-être que j'en parlerai dans le nouveau spectacle, parce que finalement, ça vous a fait un petit peu sourire. Donc, tout à fait. Je pourrais en parler, quoi. Bah du coup, merci pour cette transition à tous les deux, puisque c'est le moment un petit peu promo de notre invité. 3, 2, 1, impro. C'est un jingle un peu fourre-tout. Te cache pas que je le mets. Je n'ai jamais entendu cette petite phrase. 3, 2, 1, impro. Surtout que tu n'as pas que de l'actu par rapport à l'impro, mais c'est un peu ton moment pour nous parler de ton métier, de ta... éventuelle promo de tout ce que tu fais par rapport au spectacle, à l'animation, à la radio, à Pichon ou ailleurs. Ou à Pichon ailleurs, comme ça. Voilà. Bah, écoute, oui, je peux dire que effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans notre métier. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Par exemple, des humoristes. Les improvisateurs, c'est un truc d'équipe, j'ai l'impression. Donc, c'est un peu, même si on veut vivre de ça, etc. Mais les humoristes, il y a un truc encore plus d'ego, un peu solo comme ça. Parce que tout le monde veut être humoriste aujourd'hui. Il y en a partout. Et veulent arrêter souvent leur métier, etc. Donc, je sais plus pourquoi je m'étais lancé là-dessus d'ailleurs en le disant. Donc, tu as déjà une casquette humoriste. Oui, une casquette d'humoriste, on va dire. Donc, à plus courte échelle, à plus courte, par contre, durée, on a un petit. Je sais pas quand est diffusée l'émission. Nous sommes le mardi 4 septembre. On est le 3 septembre, exactement. Elle est en direct, donc c'est diffusé ça, en ce moment. C'est ça. Oui, bah oui. Clin d'œil. On avait un tremplin la semaine dernière. Enfin, un plateau d'humour. Le prochain. Ça s'est bien passé? C'était super bien passé. Les gens étaient sympas. C'était en extérieur, la guinguette sur le 3. Et il faisait beau? Il faisait très beau. Ah, c'est super chouette là-bas. Ouais, c'est super sympa. Mais bon, l'extérieur est compliqué, hein. de faire du one man show en extérieur, surtout sur des guinguettes où les gens sont là avec les gamins, boire des bières, des machins, des trucs, ça se disperse de tous les côtés. Il y a un boulodrome d'un côté. C'est très compliqué. Hein, Et tu l'as pas fait au marché de Noël aussi l'an passé ? Ben, on l'a annulé pour le coup. Parce que là, en plus, ils n'avaient pas demandé les conditions. On avait demandé des conditions quand même, qui était une petite scène. Et la tendance, c'est comme on a un pro, c'est bah allez-y, faites-nous rire là. Mais là, c'est-à-dire que rien n'est matérialisé pour être une scène de spectacle. Donc tu vas me demander d'aller chercher les gens qui sont de passage. Oui, non, toi, c'est pas possible. Enfin, en humour, c'est pas possible. En impro, c'est un peu plus jouable. Nous, on l'a fait. Mais on fait une scène à chaque étape, on s'arrête. Mais bon. Alors moi, je le fais parce que je le fais de l'animation, de l'impro et de l'humour. Donc je mélange les trois. Et pour le coup, je vais chercher les gens. Mais il y a des fois où j'ai pas envie, j'en ai marre. Si on a fixé des conditions au départ, bah vas-y, on essaye de les respecter. Oui. Je l'ai fait encore il y a pas si longtemps sur une guinguette en Haute-Saône. Les gens, c'était un fin de parcours de vélo, tu vois. Donc ils étaient partis en balade à vélo. Et ils arrivent sur le spot avec petite plagette et c'était un cours d'eau, je sais plus ce que c'était. La guinguette était sympa. Mais les gens sont pas venus là pour ça, donc je suis obligé. En plus, pas de sono quasiment. Enfin, mais c'est bien parce que c'est des challenges. Je m'en suis sorti, je suis allé chercher les gens. Faut commencer par l'animation. Bah tant pis, on arrête, on démarre pas comme ça. Si tu démarres en disant salut, c'est mort, y a personne. Personne n'est là pour t'écouter. Donc faut faire l'animation, les fédérer, les bouger, aller les chauffer. Et seulement une fois que t'es bien en confiance avec eux, là tu pars sur ton petit terrain. Donc c'est ce que j'aime faire moi. C'est que souvent on n'a pas l'impression que je sketch, mais l'animation, c'est aussi du one man show. C'est une expérience qui t'a aidé là, ouais, pour le coup. Ouais. Et l'animation, c'est du one man show. Il y a une animatrice qui dit ça parce que il faut savoir aussi se mettre en scène. Si on aime l'humour, bah raconter des blagues, être naturel, etc. Donc il y a beaucoup de, il y a une part d'animation là-dedans. Il y a une part de one man show là-dedans. Donc pour vous dire, oui, clairement, les promos à cette heure-ci à court terme, bah il y a le tremplin qu'on fait depuis 12 saisons maintenant, c'est le close up à la Musée Pichon, c'est le 18 octobre. D'accord. J'ai après des dates un peu, c'est des dates plus privées, donc qui sont pas accessibles forcément au public sur du stand-up au mois de septembre. Mais sinon, oui, c'est un peu tout ça. Quand tu dis des dates privées, c'est-à-dire que tu joues pour une boîte, d'accord. Ah oui. Ouais. Donc là, c'est à Épinal, c'est fin septembre. Et une date pour mon spectacle que je suis en cours, que j'essaye de finaliser depuis là pour le coup, c'est ce deuxième, je mets trop de temps à le faire. J'ai fixé une date à Pichon le 14 mars de l'année prochaine, 2025. D'accord. 12 ou 14 mars, je ne sais plus. Enfin, sur mon site internet, il y a pas mal de choses pour ceux que ça intéresse. Un site internet, on en parlera tout à l'heure des réseaux. On ne va pas spoiler. Alors. Très bien. On va enchaîner avec ton deuxième choix musical. J'espère que les gens sont en forme pour écouter ce morceau. Il est un peu badant quand même. Il est badant, oui. Bah, tu nous en parles après. Mais il faut l'écouter, surtout, il faut écouter les paroles. Alors, écoutons les paroles. Rêver, chercher, apprendre, n'avoir que l'écriture et pour maître et pour Dieu, tendre à la perfection à s'en crever les yeux, choquer l'ordre établi pour imposer ses vues, pour fendre, choisir, saisir, comprendre, remettre son travail 100 fois sur le métier, salir la toile vierge et pour mieux la souiller, faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus, surprendre. Traverser les brouillards de l'imagination, déguiser le réel de l'ombre d'abstraction, désenchaîner le trait par 1000 variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire, pour briser les structures à jamais révolues, prendre les contre-pieds de tout ce qu'on a lu, s'investir dans son œuvre à cœur et corps vêtu, écrire, de peur, de sueur, d'angoisse, souffrant d'une étrange langueur qui s'estompe parfois mais qui refait bientôt surface. User de sa morale en jouant sur les mœurs et les idées du temps, imposer sa vision des choses et des gens, quitte à être pourtant maudit, aller jusqu'au scandale, capter de son sujet la moindre variation, explorer sans relâche la forme et le fond, et puis l'œuvre achevée, tout remettre en question, déchirer d'inquiétude, souffrir, maudire, réduire l'art à sa volonté brûlant d'énergie, donner au sujet mort comme un semblant de vie, et lâchant ses démons sur la page engourdie, écrire, écrire, écrire comme on parle et l'on crie. Il nous restera ça. Il nous restera ça. Peux-tu nous raconter ton attachement à cette musique, s'il te plaît ? Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu badant, comme tu l'as dit, mais effectivement, écrire de Charles Aznavour. Vous connaissiez ce... Non. Chanteur ? Ce oui. chanteur. Alors Charles Aznavour, oui, mais... Ouais, non, mais ce titre, alors c'est non. un de ses derniers titres, notamment qui apparaît sur l'album de Grand Corps Malade. Il y a peut-être une ressemblance quand même sur, sur les voix, oui. voilà. Mm-hmm. Et surtout, écrire, pourquoi ? Parce que ça explique bien ce qu'est la passion et l'envie d'écrire. Moi, je sais que j'écris, alors j'écris pas des grands textes, hein, pour le coup, sur la scène, mais j'ai une petite passion secrète que je n'ai pas assouvie depuis un certain nombre d'années parce que je n'écris que sous mélancolie et nostalgie profonde. Et ben, c'est la poésie. Oh, bien. Ah bah oui, j'ai pas une tête de poète. Il y a eu un léger silence après cette annonce. J'ai bien vu qu'il y avait même une certaine petite humiliation qui s'installait. Absolument pas, je trouve ça beau ce que tu dis. Ah oui. Tu bois mes paroles. Non mais ouais, tu Non mais alors voilà, pour le coup, c'est vrai que j'ai un petit livret chez moi où j'ai 14 poèmes que j'ai ouais. écrits, mais souvent moi je fais partie de ces gens qui écrivent ou qui ont besoin de se créer de la tristesse ou qui la créent par la vie, enfin voilà. Et j'écris que sous mélancolie, tristesse. Donc c'est jamais très drôle. On pourrait les lire ces poèmes ou les entendre ? Bah personne. Un jour, d'accord. Mais peut-être quand je serai mort, mais peut-être que hein, non, ouais, je crois qu'elle n'a pas lu non plus. Mais si, je lui en ai laissé parce que voilà, j'ai écrit. Mais c'est des sujets qui sont du quotidien, hein. La mort de mon premier petit chien, par exemple. J'ai eu des phases comme tout le monde, c'est pas pour bader, mais on a toujours des phases un peu descendantes, etc. Donc sur des thématiques comme ça de vie. Mais je suis un peu curieuse parce que tu dis je vais provoquer des moments où je vais être dans la mélancolie. Oui, ben donc tu vas volontairement gratter un peu pour. Et ça, je voulais en parler un peu dans le second spectacle parce que je fais partie de ces personnes. Tu sais, ces personnes un peu. Alors bizarrement, on peut pas forcément le voir parce qu'on essaye de rire tout le temps, mais c'est aussi un masque torturé, tu sais. Clown, ouais. Et donc oui, voilà, c'est exactement. On est beaucoup dans ce cadre-là. Et au final, quand tout va bien, il faut quand même créer un moment un peu triste. Pour te rendre compte que t'es en vie, tu vois, c'est un peu ça, souvent. Et donc, on va se rappeler à des mauvais souvenirs, à des choses qui vont te créer dans une mélancolie. Mais moi, ça va s'associer aussi à des musiques. Ça, j'en parle aussi dans le prochain. Il va falloir que je me mette une musique triste. Oui, c'est ça. T'es pas obligé, toi, de te rendre triste par rapport à ta vie, mais ça peut être... Ouais. Un truc extérieur, ça pourrait être un film triste. Oui, mais non, ça va. Si, quand même, me rendre triste par rapport à ma vie ou l'entourage ou les personnes disparues de mon entourage. Et donc, par exemple, ou une rupture, les premières ruptures, j'avais une musique associée. Donc, quand tout allait bien, je me mettais la musique. Puis après, bon, c'est un peu de douleur. Ok, ça fait du bien. C'est un fonctionnement chelou. Ça te produit comme ça du mal-être. Hein, c'est bon. T'en parles à quelqu'un ou... J'ai 15 ans de psychothérapie. Ça m'a servi à moi, mais ça me aussi aux autres avec qui je travaille, parce que pour le coup j'ai aussi un volet formation et dans l'insertion, et donc cette sensibilité là ou quand on a fait des psychothérapies pendant des années, etc., eh bien ça nous sert à nous, mais ça peut servir aussi aux autres. Très bien. Pendant la chanson je t'ai dit c'est bien parce que c'est énergique, c'est dynamique. Ouais. Et voilà. Et ça n'est pas. Et voilà. On peut parler. Tu vois, on parle avec dynamisme quand même des choses tristes. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Non mais merci de t'être confié à nous surtout. Et donc merci. voilà. Mais tu sais, j'ai l'impression d'être dans ces émissions, je sais plus comment s'appelait ces dames, mais la nuit. Bah, il y avait aussi Mireille Dumas qui faisait aussi. Oui. Et puis la nuit, moi j'adore une émission sur Europe 1, c'est Caroline aussi. Dublanche qui fait ça sur Europe 1, mais je sais plus si c'est encore elle. En tout cas, elle récolte des témoignages de gens qui l'appellent en pleine nuit comme ça. Et pourquoi je vais vous faire le lien directement avec ça, puis j'arrêterai là-dessus. Les premières années où je faisais de l'impro, j'habitais encore à Épinal, et donc je faisais ces trajets après l'atelier d'impro à 22h30, 23h, elle s'était 23h, 1h, et j'écoutais tous ces gens avec des passifs énormes. Enfin voilà, c'était horrible. Et puis elle a ce que j'aime en radio, ce qu'on ne peut pas faire en journée, ni encore moins le matin, c'est des pauses très très longues. C'est-à-dire que tu fais un silence, après tu rapportes un propos, et je te place un silence de 10 secondes la nuit, c'est pas grave. C'est fou. Mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à cette émission. Mais moi, je me retrouve un peu là-dedans, d'entendre des gens qui ont des passifs ou des histoires compliquées. Moi, ça me suffit à me dire en fait, moi, ça va bien. Oui. J'ai pas besoin de me remettre dans des états. Oui. Juste d'entendre des histoires, je fais ok, je vais. Non, mais moi, j'ai quand même un côté où j'aime bien quand même ressentir. Ouais, un peu. Maso plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Sans. Transition. Ah oui. Réseaux sociaux. Oh là, ouais. Mario Bros, un peu. C'est très Mario Bros. Voilà, réseaux sociaux. Alors François, on aimerait que tu nous parles un petit peu de ton rapport aux réseaux sociaux, à la fois dans la vie, dans ta vie privée, mais également dans ta vie pro. Eh ben écoute, aujourd'hui, ça me c'est des fois un peu difficile parce que j'utilise beaucoup. Alors j'utilisais les réseaux sociaux liés vraiment à mon activité il y a plus d'une dizaine d'années, 11-12, où là je me suis mis vraiment un peu dedans parce que je me suis rendu compte que c'était le seul moyen. Je démarchais pas trop par téléphone, par ces choses-là. Puis je me suis rendu compte que j'avais du boulot sur les 3 ou 4 réseaux que j'utilisais maintenant aujourd'hui. C'était Facebook à l'époque, aujourd'hui Instagram, LinkedIn et parfois même TikTok, même si je comprends pas trop le principe. Mais au final, les réseaux sociaux sont utiles professionnellement. Après... Et alors, professionnellement, on peut te trouver, tu peux donner les noms peut-être de tes réseaux. Bah, François Barthélémy. À chaque fois, c'est François Barthélémy, tout simplement. Ça. Okay. Et une certaine addiction aussi, pour le coup, aux réseaux sociaux, parce que tu as toujours envie un peu de montrer ce que tu fais, tu vois, le montrer d'une bonne façon, d'orienter aussi en fonction des réseaux. Hein. Sur Instagram, tu ne publies pas de la même façon que sur LinkedIn. Donc, c'est assez présent quand même dans ma vie, mais parfois un peu trop. Donc quand tu commences à regarder le matin très tard le soir et que un ça un peu te trop génère... selon qui selon toi oui selon moi okay. Parce que ça me génère du stress. Ces matins, j'ai l'impression de devoir répondre. Alors pour le coup, je vous dis ça parce que à la radio, j'ai des équipes de bénévoles, donc j'ai 4-5 fils de discussion. Sur les spectacles, 3-4. Donc t'as toujours les fils de discussion sont toujours actifs. Oui, je vois. Et donc tu dois répondre à tout le monde tout le temps, plus les mails. Alors c'est bien, ça veut dire que ton activité fonctionne, mais enfin des fois c'est un petit peu... Ça génère du stress. Ça génère du stress. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Ah là, c'est la mort. J'ai failli mourir. Bon, on est sur une bonne ambiance. Ah, j'ai failli mourir. De honte. Voilà. En fait, tout à l'heure, tu nous as raconté un moment un petit peu honteux. Bah là, c'est plus qu'un petit peu, mais en même temps, c'était beaucoup honteux. Mais, c'était sur scène. Est-ce que tu as quelque chose de honteux sur là, tes 40 et quelques années de vie, juste sur, pas forcément sur scène, un petit moment où, avec des gens ou tout seul, tu t'es retrouvé dans une situation où tu fais « punaise ». En fait, c'est surtout, moi, habituellement, je rougis pas forcément, tu vois, j'ai pas de suée, mais c'est encore un peu professionnel. C'est, je faisais partie de groupes, un peu là où tu parles de ton activité, alors on appelle ça un peu les clubs business aujourd'hui, où tu partages tes trucs. Et je crois que dans le premier que j'ai fait, c'était à Nancy, c'était à Alstom, là, où les trucs en vert, là, je sais plus. C'est le seul indice que je vous donnerai. Ouais, non, mais c'est vrai, grande œuvre, là. Oui, non, pas du tout. Tomblaine, en vert. Il y a deux salles. L'Octroi, voilà. Ah. Vous avez pas... Non. Ah, si, on voit. Mais c'est pas à Tomblaine. C'est à Strasie, boulevard de Strasie. C'est boulevard de Strasie, mais c'est à côté de Tomblaine. C'est à Nancy, quoi. C'est à côté de notre canal. À côté de Bar-le-Duc, et pas si loin de Paris non plus. En vert, V-E-2-R-E. Oui, je cherchais un truc en V-E-R-T. Ah oui, non, voilà. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, en fait, je prends la parole, je me lève, et puis je me sens... C'est ce qui arrive, c'est encore le pire ennemi de nous-mêmes. C'est que je me dis, il se peut que tu rougisses. Et en fait, j'ai senti le rougissement quand j'ai présenté et le bégaiement qui arrivait derrière quand je présentais un peu l'activité. Et je vois que tout le monde autour l'a vu. Il y a un silence et tu te rassois, tu te dis, de la honte en fait. Ouais, et c'est d'autant plus dur ces moments-là. Moi, j'en vis régulièrement où d'un coup, dans ma tête, mon petit démon, il me dit que nous, on présente des trucs où on fait travailler sur la prise de parole. Donc, en plus, tu prônes des trucs et t'as une honte. Alors, je pense qu'aussi, il faut l'accepter. Ça, c'est pas parce que je leur dis souvent, de choses, mais c'est pas pour autant que je l'applique tous les jours. Ouais. Mais dans ces moments-là, quand même, où tu présentes à d'autres professionnels, c'est un peu plus délicat. Et tu te rassois, et là, tu te dis, mais en fait, je suis la pire des merdes. Je sais pas parler. Et les gens connaissent mieux François Barthélémy maintenant. C'est ça. Et ça arrive encore souvent, je sais pas, vous faisant ce métier aussi là, chaque année, en redémarrant, il suffit que j'arrête 3-4 semaines, il faut que j'ai l'impression de n'avoir rien fait, par exemple, avant. Rien n'a existé. Moi. Les reprises sont Les reprises sont toujours difficiles, donc il faut que je refasse attention, même les reprises scéniques, les reprises devant un public en insertion ou dans le social, les reprises à la radio. J'ai l'impression de recommencer, alors qu'il faudrait quand même s'enlever ça. La phrase qui reflète vraiment ça, j'utilise tout le temps, c'est on est le pire ennemi de nous-mêmes. Tu vas te le faire tatouer ? Peut-être. C'est vrai que c'est pas mal. Peut-être mais c'est un peu négatif. Peut-être en égyptien pour que ça laisse un petit peu un le mystère. Ouais, la classe. Ouais. Un peu à la Angelina Jolie, c'est ça, oui, avec en hiéroglyphe. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Puis ils écrivent n'importe quoi, puis voilà. écrit fils de pepte. En fait, ça ne veut pas du tout dire ça, ça veut pas dire chaussette. Ça. Chaussette, ah, c'est pas du tout. Mais j'ai un copain comme ça qui s'était fait faire un tatouage chinois, mais il y en a beaucoup. Hein. Et puis au final, ça ne veut peut-être pas du tout dire la vie est une victoire. Oui, il ne saura pas, ça ne veut pas dire ça, mais ouais. C'est pas du tout ça. Nous écoutons ton troisième choix musical. Allez. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Théâtre sur Fadjet. Oui, donc c'était... On commence la musique, oui. Je la remets. Ah oui, c'était Gainsbourg comme extrait. Alors, avec Bardot, hein, parce que c'est Bardot qui en font. Et oui, tu l'as entendu ? Bardot qui en font, non mais j'aime bien. Un peu plus loin là-bas. Oui, voilà, c'est ça. Mais pas trop l'entendre. Mais oui, c'est ça. Mais donc, pourquoi ? Pourquoi Gainsbourg ? Mais pourquoi ? Alors, Gainsbourg, c'est aussi un lien que j'ai avec ma femme. Voilà, on écoutait beaucoup au tout début la javanaise de Gainsbourg. Je l'ai tatouée sur mon... parce que je suis assez tatoué pour le coup, ceux qui me connaissent, sur le corps. Et j'ai deux phrases de Gainsbourg, dont la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Avant la javanaise. Et nous aimions le temps d'une chanson. Et pour le coup aussi, c'est parce que c'est dans mon spectacle, le premier One Man Show. Voilà, où là, pour je balaye 40 années de vie qui m'ont amené un peu à faire ce métier-là aujourd'hui. Et c'est une folie, parce que cette musique, alors c'est sûr que, comme tu disais, elle a été utilisée à plein de sauces, mais elle a un côté fou avec les onomatopées. Oui, elle est, moi, je la trouve très punchy. Tu la mets au début de spectacle, au moment où tu montes ? C'est la dernière, à la fin, avant de faire un retour avec un personnage qui est ma tante, une vieille tante, qui est finalement moi, hein, que je fais venir sur scène. T'as monté sur scène, tu mets quoi ? Ma montée sur scène, je mets je voulais vous le sortir tout à l'heure, mais c'est pas vraiment une musique, c'est Huggle. Ouais, il faudrait que je vous le fasse entendre, mais c'est. Oui, c'est fait pas. Je suis pas sûr que ça. C'est assez délégué. Ok. D'accord. Et on inaugure notre nouveau jeu. Ah bon ? Ouais. Hey, nouvelle saison, nouveau jeu. Coup de théâtre sur Fadjet. On n'a pas encore vraiment ce qu'on appelle la nappe. Alors la nappe. en termes technico-radiophoniques, c'est nappe ou bed. Ah bah le bed, c'est la même là chose. J'en ai. La même chose. Là c'est un bed pour moi. Ça c'est un bed. Mais la nappe c'est la même chose, c'est le mot français en fait. On va dire. On aimerait que tu poses ta voix sur ce nouveau jingle, sur d'accord, cette nappe, très bien. Sur ce jingle. Donc qu'est-ce qu'il faut que je dise ? On te l'explique. Tu vas nous raconter une anecdote sans trop préciser le contexte. D'accord. Et ensuite, tu dois finir ton anecdote en disant « Est-ce que j'étais un enfant ou est-ce que j'étais un adulte un petit peu ivre ?» D'accord. Parce que souvent, quand on fait des choses bêtes quand on est ivre, c'est des choses que les enfants peuvent faire. Oui, mais tout avec, à fait. Avec toute nous, on est là « Oh, mais il est trop mignon, il a fait ci, ça, ça. » C'est trop oui, mignon. Oui, sauf que si t'as 37 ans, c'est chelou. Oui, c'est 44 ans. tu as cette anecdote, s'il te plaît ? Je l'ai. Elle est très courte, hein ? Oui, oui, bah, oui, oui. Bah, pas de souci. Je rentre dans une machine à laver. Ah bah moi je l'ai fait adulte alors. Ah ouais, mais enfant tu peux le... Ah, tu l'as fait les deux fois. Moi je pense que t'étais un peu pété. Non, moi je vais dire que t'étais enfant parce que ça paraît évident, c'est quand t'étais sous. C'est plus rigolo quand t'es enfant de faire ça. Oui, mais. Ah oui, rentrer dans une... chez un particulier, il faut avoir la taille d'un enfant, mais dans les lavomatiques. Moi je te raconte ça. J'étais même pas bourré. Hein. Mm. Je l'ai fait volontairement. Et dans les lavomatiques, c'est des énormes machines. Et effectivement, un corps d'adulte tient. Eh bah écoute, faut que je vous le dise. Bah oui. Je vais vous le faire parce que c'est une petite partie du sketch. Alors ça peut être aussi un peu honteux, hein, pour le coup, je l'ai pas dit, mais c'est partie du sketch du premier, du deuxième spectacle. Ta vie est une honte ou quoi ? Voilà, c'est vrai. Et c'est ce qu'on fait sur scène. Après, on l'expulse. Mais ça fait partie du second spectacle. Donc à 40 ans, je dis dans ce spectacle-là parce que c'est souvent lié à ça. À 40 ans, on fait. J'ai une petite spécificité dans la vie. Je suis con. Ouais, c'est un truc. Et au final, à 40 ans, on m'a suggéré. Alors, je sortais d'une soirée un peu alcoolisée, hein, donc c'est alcoolisé, pour le coup, c'est pas enfant. Une soirée alcoolisée où on m'a donné, on m'a suggéré une drogue. Bon, mais par sympathie, hein. Donc je l'ai pris parce que c'était sympa. Et je me suis retrouvé donc à 9h du matin chez moi, parce que je suis rentré, hein, 9h du matin, enfin 8h chez moi, dans le noir, donc voilà, mais dans ma salle de bain, bon, là, à peu près ça, nu. Ça va bien aussi, hein. À finalement ouvrir et fermer le hublot de ma machine à laver, comme ça, de manière très frénétique, tu vois. Et ma femme, qui elle rentre du travail à 8h15, arrive dans cette salle de bain, allume la lampe, elle me voit en train de faire comme ça, comme un malade dans la. Et qu'est-ce que tu fais ? Je vais sortir de la salle de bain, je veux dire, ça me paraît logique, tu vois. Ça me paraît logique. Elle me dit, ça, c'est la machine à laver. Moralité, ne pas prendre de drogue. Déjà. Dans une pièce où il y a deux portes. Parce que tu sais pas où sortir. Mais t'es pas vraiment rentré dedans. Mais j'étais pas loin parce que je me vois encore réveillé. C'est comme si on ouvre une lumière et puis dire je rentre. En fait, je pense que je me suis endormi, voilà, tout bonnement. Et l'effet, peut-être alcool, machin, m'a fait que je me lève, je me suis levé. Et dans mon. Il y a eu un petit peu de somnambulisme, mais la salle de bain juste à côté. Et voilà, j'ai voulu. J'aurais dû me rendre compte parce que. On n'avait pas changé de porte, vraiment. Tu vois, c'est une porte ovale et j'ai une porte rectangulaire. Oui, c'est ça. Et là, ça aurait d'utilité. Ça aurait d'utilité de dire, oula, c'est petit. C'était la drogue anti-tilt. Soit j'ai grandi de manière complètement exagérée la nuit, et puis je ne peux pas rentrer parce que, en plus, voilà, c'est humide. Enfin, tu vois, ça aurait dû me donner des indices. Mon appartement n'est pas si humide que ça. Super. Oui, effectivement, ça peut aussi être une honte. Ouais, voilà. Mais tout est honte, hein, au final. Beaucoup de choses. En général, t'assumes, c'est ça qui est cool. Oui, bah voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Surtout nos âges. Nous avons encore deux petits moments à passer avec toi. Le premier moment, c'est le moment du jeu. J'invite Rodolphe à sortir et je vous explique les règles. D'accord. L'idée de ce jeu, je vais te proposer 5 mots. Après chaque mot, tu me dis le premier qui te vient à l'esprit, sans trop réfléchir, assez rapidement. On fait revenir Rodolphe dans le studio et je fais exactement la même chose avec les mêmes mots. Si vous avez un mot en commun, c'est gagné. D'accord. Ok ? Premier mot. Compartiment. Donc moi, il faut que je fasse... Un mot associé avec ce mot-là. Wagon. Cintre. Chemise. Visage. Expression. Hésitation. Doute. Superstition. Obsession. Ok, très bien. Maintenant, on fait rentrer Rodolphe et je lui fais exactement le même jeu. Et si vous avez un mot en commun... Faut que je me rappelle les 5 mots, là. Ouais, j'aurais peut-être dû les noter. Non, ça va revenir. Non, mais ça devrait venir. Rodolphe, tu es prêt ? Faut le faire vite. Oui. Compartiment. Train. Aïe, aïe, aïe. Il avait dit wagon. Ah, on n'est pas loin. Ouais. Mais c'est pas le même mot. C'est vrai. Cintre. Chemise. Ah oh, oui ! Et bravo, tu as gagné 2000 euros. On essaie de se checker, mais on n'arrive pas à mettre trop loin. Des bras trop on fait quand même les autres au cas où peut-être vous avez deux. Ça. Peut-être on va lancer un classement. D'accord. C'est ça. Visage. Nez. Non, expression. Hésitation. Stress. Ah, doute. T'es pas loin aussi. Et le dernier, superstition. Peur. Obsession. Bon. Il n'y a que ce mot-là. Et bien, le premier a fait 1 sur 5. Moi, je vous dis ça parce que le prochain spectacle s'appellera Obsédé. Ah, Oui, donc forcément. C'est vendeur. Et mais on l'avait déjà fait avec Audrey, il y avait eu zéro. Zéro, oui, on fait donc un peu mieux quand même. Donc tu es devant Audrey. Je pense qu'il faut répondre très rapidement, et plus on répond rapidement, voilà, pour ouais, le premier ça, mot évident, on vient en premier. Et voilà, l'émission prend fin, François. Merci à toi pour tous ces moments que tu nous as livrés, sur tes choix musicaux, sur la personne que tu es. Est-ce merci. Que tu as un dernier truc à dire? Ben non, merci de votre accueil, c'est sympa, une émission sympathique. Et on, si on, par exemple, on veut en faire... C'est vous qui choisissez les invités ou ils peuvent venir à vous? Ils peuvent évidemment venir à voilà, nous. C'était ma question, ouais. Voilà, s'il y a des gens qui veulent venir à vous pour parler de leur, peut-être de leur actu. C'est vrai. Je ne sais pas, c'est peut-être on, des bêtises. Non, pas du tout, mais on a essayé pour le moment d'avoir quelque chose de varié aussi, parfois en fonction des actualités, quand il y avait des gros festivals. Et puis des gens de diverses troupes pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse mieux les connaître. Mais si les gens veulent... Il faut qu'il y ait un lien avec le théâtre et le... Voilà, quand même. Au minimum, le théâtre ou l'impro. C'est pas forcément que de l'impro, d'ailleurs. Oui, ou l'humour. Oui, c'est ça. Bah, merci. Ou la cuisine. Ou la cuisine, non, mais ça serait une émission, ça serait une émission de cuisine. Ouais. Parce que ça serait théâtre. Coup de cuisine ou coup de couteau. Mais c'est Nabila. Il faut être criminel et tout. Non, mais en tout cas, c'est bien, merci. Belle émission, c'était sympathique. Voilà, on s'est livré un petit peu. Pas trop, toi surtout. Non, nous, non. Merci à toi, François. Rodolphe, à bientôt. À bientôt, au mois prochain. Et bonne rentrée à tout le monde. Salut.